La revue italienne La Voce du mois de juin a inséré le texte intégral du discours inaugural du maréchal Kim Jong-un prononcé au 7e congrès du Parti travail de Corée avec la nouvelle de ce congrès.